إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون لا نزال في شهر شوال الذي يلي رمضان Oh chers musulmans, nous sommes toujours pendant le mois de Shawwal, celui qui suit le mois de Ramadan. ومر بنا أن رمضان ذو دروس وعبر للمسلمين. Et nous avons certes vu que le mois de Ramadan contient des leçons importantes et bénéfiques pour les musulmans. ورأينا من ذلك أهمية التوحيد والاجتماع. Et nous avons vu précédemment l'importance de l'unicité et de l'union. فلنواصل أيها الإخوة في دروس رمضان. لنستفيد من ذلك في السنة كلها. Alors continuons, chers frères, à méditer sur les leçons du mois de Ramadan afin d'en profiter pendant toute l'année. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالصيام وجعله محددا في وقت معين. Allah تبارك وتعالى nous a ordonné le jeûne. Et il a fait en sorte que ce jeûne soit prescrit dans un moment défini. Alors il nous dit tabaraka wa ta'ala fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl. Alors mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse clairement la distinction entre le câble blanc et le câble noir du fajr. Puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. فما المراد بهذا الحبل الأبيض والحبل الأسود؟ Qu'est-ce qui est voulu par ce câble blanc et le câble noir؟ وما المراد بالليل؟ Qu'est-ce qui est voulu par la nuit؟ هل نصوم إلى فشور الظلام؟ Est-ce qu'on va jeûner jusqu'à ce que l'obscurité se propage؟ فالمسلمون يبدأون الصيام من طلوع الفجر وينتهون ويفطرون بغروب الشمس. Les musulmans, ils commencent le jeûne à partir de l'apparition du fajr. Et ils vont rompre le jeûne au coucher du soleil. من أين أخذوا هذا؟ Où l'ont-ils pris؟ من السنة. De la sunna. لأن السنة وضحت لنا معنى هذه الآية. Car la sunna nous a éclairci la signification de ce verset. فالمسلمون في رمضان يصومون بالسنة. Les musulmans durant le mois de Ramadan, ils vont jeûner en se basant sur la sunna du prophète sallallahu alayhi وسلم. ومن الأمثلة على ذلك عندنا الصوم في السفر. Et parmi les exemples qui vont dans ce sens, on a le jeûne durant le voyage. فكلنا نعرف أن الله تعالى أباح لنا الفطرة في السفر. Nous savons tous que Allah il nous a rendu licite le fait de rompre le jeûne en pleine journée de Ramadan lorsqu'on est en voyage. Où est-ce qu'on a pris ça ? La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il complète ses jours. Alors qu'il rattrape ses jours durant d'autres jours. أيها الإخوة السؤال هل منا في هذا المجلس هل منا أحد يقول بوجوب الفطر في السفر؟ Est-ce qu'il y a un seul parmi nous ici qui dit qu'il est obligatoire de rompre le jeûne en voyage? Obligatoire. Pourquoi? Parce que Allah dit celui qui est malade ou en voyage alors qu'il rattrape. هل منا أحد يقول إن من صام في السفر في رمضان يجب عليه أن يقضي مع أنه صام؟ Est-ce qu'il y a parmi nous un seul qui dit que celui que pendant Ramadan il est en voyage, il continue de jeûner, il jeûne pendant le voyage, il lui est obligatoire de rattraper ses jours de jeûne alors qu'il a jeûné? Est-ce qu'il y en a un seul d'entre nous qui dit ça? Pourtant, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, alors qu'il rattrape ses jours durant d'autres jours. Personne ne va dire cela. Pourquoi? لِأَنَّ السُنَّةَ بَيَّنَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وأصحابه صاموا وأفطروا في السفر في رمضان والصائم منهم لم يقضي. La sunna nous montre clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont jeûné en voyage. Et aussi, certains ont rompu le jeûne durant le voyage. Mais ceux qui ont jeûné n'ont pas rattrapé le jeûne. فكلنا نقول معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. Et donc nous allons tous dire celui, la signification du verset, c'est celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, puis qui rompt son jeûne alors qu'il rattrape ses jours morts. Où avons-nous pris cette signification? Minash sunnah. Dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais sunnatu waddahat lana al-Qur'an. La sunnah nous explique le Qur'an. Hiya mufassiratun lahu. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Nous avons fait descendre sur toi le rappel, le Coran, afin que tu expliques aux gens ce qui a été descendu sur eux. فيجب علينا أن نعمل بالسنة. Et donc il nous est obligatoire, aux chers frères, d'œuvrer avec la sunna. فالناس في رمضان يبدأون الصيام بالسنة. Les gens pendant Ramadan, ils commencent leur jeûne avec la sunna, en se basant sur la sunna. ويفطرون بالغروب بالسنة. Ils vont rompre le jeûne au coucher du soleil, en se basant sur la sunna. ومن أفطر في النهار مسافرا يعتمد على السنة. Celui qui va rompre le jeûne en pleine journée de Ramadan étant voyageur, il se base sur la sunna. ثم بعد ذلك التراويح. Et ensuite après cela nous avons التراويح, la prière du التراويح durant les nuits de Ramadan. من أين أخذناه؟ Où avons-nous pris le التراويح؟ في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة وعمر وغيرهم من الصحابة. Nous avons pris cela, le Tarawih, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, le hadith de Aïcha, le hadith de Omar, les autres compagnons, et aussi les autres recueils de hadith. « Falmuslimouna fi ramadan ya'maluna bis sunna » Les musulmans, pendant ramadan, ils œuvrent avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Famin duru fi ramadan wujubul amali bis sunna » Il y a parmi les leçons de ce mois béni, l'obligation d'œuvrer avec la sunna. Fakama sumta fi ramadan bis sunna wa aftarta fi ramadan bis sunna wa sallaita at-tarawih bis sunna fa'al fi sa'il al-ibadat wa sa'il al-ashhur. De la même façon que durant ramadan tu as commencé ton jeûne avec la sunna, tu l'as rompu avec la sunna, tu as prié tarawih avec la sunna, alors fais la même chose pour les autres actes d'adoration durant les autres mois. Continue comme cela. Fais sunnatu yajibu alina al-amalu biha. Et donc la sunna nous est obligatoire à tous d'œuvrer avec celle-ci. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لو فهمنا وجوب العمل بالسنة فلننطلق إلى مسألة أخرى من دروس رمضان. Oh, chers frères, si on a compris le caractère obligatoire du fait d'œuvrer avec la sunna, alors abordons maintenant un autre sujet qui fait partie des leçons profitables de Ramadan. فَالسُنَّةُ بَيَّنَتْ لَنَا أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنْزِلُ ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليالي من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. La sunna nous a montré que Jibril alayhi salam, il rencontrait le prophète صلى الله عليه وسلم durant toutes les nuits de Ramadan et lui enseignait le Coran. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على قراءة القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité la communauté à lire le Coran. فَنَجِدُ مِنْ عَمَلِ السَّحَابَةِ مَنْ كَانَ يَكْرَأُ الْقُرْآنِ وَيَخْتِمُهُ فِي كُلِّ سَبْعِينَ. Et donc parmi les compagnons, il y avait ceux qui lisaient le Coran et qui le finissaient tous les 7 jours, chaque semaine. فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ ثَلَاثَ. Et donc lorsque Ramadan commençait, il finissait le Coran tous les 3 jours. فَإِذَا جَاءَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ. Lorsque les dernières nuits de Ramadan commençaient, arrivaient, alors il finissait le Coran chaque nuit. Chaque nuit. السؤال أيها الإخوة، هل من قام بهذا العمل هل يكون مشغولا بالزوجة والأطفال والأشغال التجارة وفلان والأصحاب؟ Est-ce que celui qui va réciter autant le Coran pour le finir toutes les nuits, est-ce qu'il va être occupé par son épouse, ses enfants, les compagnons, les amis, le travail, le commerce, droite, gauche, toute ta journée t'es occupé? Est-ce que celui qui lit autant le Coran, il va être autant occupé? Non, là. لِأَنَّ هَذَا يَتْرُكُ شَيْئًا مِنْ وَقْتِهِ لِلَّهِ. Parce que celui-ci, il va laisser une part de son temps pour Allah, de façon spécifique. Comme certains lorsqu'ils vont au travail. Ils vont au travail, ils savent très bien, là je suis au bureau, il ne faut pas m'appeler. Ne m'appelez pas, je suis au bureau. Ça me dérange. Aucun membre de sa famille ne va l'appeler à ce moment-là. Peut-être un message, en espérant que ça ne le dérange pas. Pourquoi ? Parce qu'il est au bureau, il travaille. Taïb, akhbirhum kadhalika bi annaka min as-sa'ati al-fulaniya ila al-fulaniya anta taqra'u al-Qur'an. Alors informe aussi les gens de ta famille ou tes proches, tes amis, de telle heure à telle heure, ne me dérangez pas. Je lis le Coran, j'apprends ma religion. C'est ce temps-là que j'accorde pour Allah tabaraka wa ta'ala de façon spécifique. Ne me dérangez pas. Oh mes frères, il nous est obligatoire de laisser une part de notre temps pour Allah. فمن ذلك تأملوا في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. Méditez, oh chers frères, sur le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم s'adonnait à la retraite spirituelle. وأزواجه من بعده, et ses épouses après lui. وكان الصحابة aussi les compagnons. فتركوا الاختلاط بالناس. Ils ont délaissé le fait de rester avec les gens pour se consacrer à l'adoration pendant un moment spécifique. Durant un moment spécifique. Ayu al-ikhwa linafham adribu lakum mithalan. Au chef cœur, pour qu'on comprenne bien, je vais vous citer un exemple. Wa la'alla ba'dana ya'rifu hadha jayidan. Et peut-être que certains d'entre nous connaissent bien cela. Ashab al-jami'at, ceux qui sont à l'université, le collège, ceux qui passent le bac. إذا جاء وقت الاختبارات هل يكون الناس مشغولين بالدنيا وفلان وفلانة. Est-ce que lorsque vient la période des examens à l'université ou au collège ou autre, est-ce que les jeunes ils sont occupés par le fait de jouer à droite à gauche? Hein, la famille, non. Yukola, Foulen, Yastei, Bibirtibar. Tout le monde dit un tel se prépare pour l'examen. Il se prépare, laissez-le. Et s'il y en a un qui ne se prépare pas pour l'examen, qui ne reste pas dans son bureau seul, sans être dérangé, les gens vont dire, ah, lui, il ne s'est pas bien préparé pour l'examen. Il reste avec les gens tout le temps, il joue, etc. Il ne s'est pas bien préparé pour l'examen. طيب ايها الاخوه انكم ستفتنون في قبوركم. Au cher frère, vous allez être éprouvé dans vos tombes. وستحاسبون عند ربكم. Vous serez jugé auprès de votre Seigneur. لهذا الاختبار الاعظم. Pour cet examen le plus grand chose, le plus important. فهل نستعد لهذا الاختبار. Est-ce qu'on se prépare pour cet examen? Est-ce qu'on lui accorde un peu de notre temps? On s'éloigne un peu des gens pour se préparer pour cet examen. Certaines personnes, méditez, oh chers frères, le téléphone qu'on a dans nos poches, certaines personnes, dès que tu leur envoies un message, à n'importe quelle heure de la journée, ils te répondent dans la minute. On est toujours prêt. Comme si on attendait ce message. On est occupé par ce téléphone. WhatsApp, Telegram, Instagram, Gram, Subhanallah. Et donc, oh chers frères, le conseil que je vous donne, ainsi qu'à moi-même, nous devons nous préparer pour l'au-delà. Je ne vous dis pas de laisser toute la journée à lire le Coran. On sait très bien, vous devez travailler, vous devez vous occuper de vos épouses, vos enfants. Mais laissez une part, lillahi ta'ala, ta'allam dinak, apprends ta religion, ikra kitab Allah, lis le livre d'Allah, salli, prie. Comme le faisaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yubarika lana fi awqatina. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous bénir dans notre temps. Wa an yutawwila fi a'malina fi ta'ala ta'atihi. Et qu'il prolonge notre vie dans son obéissance. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa aqimus salat.